Vous écoutez France Culture. Semaine consacrée à l'histoire de la pop musique à l'occasion du 50e anniversaire de la venue à Paris des Beatles. C'était en janvier-février 1964. Ils allaient ensuite devenir des stars mondiales car après Paris, ils allaient entamer la fameuse tournée américaine qui allait les rendre très célèbres. Hier, vous avez pu entendre le témoignage de Michel Ambarek, ancien du magazine Best, loin des Beatles d'ailleurs, qui nous a raconté les lieux parisiens de la musique populaire rock, reggae, punk dans les années 70 et 80 du 20e siècle. Demain, nous nous intéresserons à la naissance de la world music. Jeudi, nous tenterons de comprendre ce que recouvre le terme de pop. Et aujourd'hui, eh bien, le documentaire de Patrick Boudet et de Véronique Samouilov, Il était une fois la pop française, nous emmène au cœur des 70s. On y entend les membres de Triangle, des Variations, de Ange ou encore Alan Stivell. Ils nous parlent des influences anglaises, du son américain découvert pendant la guerre en Afrique du Nord, du Golfe de Rouault, du Outenani Club, de l'American Center, des rêves de tournée européenne et même, pourquoi pas, mondiale de ces groupes français des années 70. Le documentaire de Patrick Boudet, Véronique Samouilov, Il était une fois la pop française jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire avec les témoignages d'Alan Stivell, de Paul Alessandrini, de Patrice Blanc-Franca, de Marc Tobali, de François Jeannot, de Lionel Rochman, de Christian Descamps et de Christian Vander. Bon, alors attention, voici maintenant le résultat du Grand Prix de la pop musique française 1971. Premier prix attribué au groupe Triangle avec 33 points. Bravo ! Il était une fois la pop française. Magma, 18 points. Variation, 17 points. À partir de 1966, de jeunes talents ont créé en France une musique qui, à l'instar des mouvements anglo-saxons, se voulait différente de la variété française et de celle des yéyés, tant par la forme que par le contenu. Cinquième, Martin Circus, 10 points. Les groupes Triangle, Magma, Ange, des Variations, Martin Circus, Alan Stivell et tant d'autres écrivirent ainsi les plus belles pages de la pop française. Première génération rock, ils ont essuyé les plâtres, s'accommodant de conditions d'enregistrement peu adaptées à leurs exigences, d'un marché rétif à leur laisser une place, et de médias les accueillant avec une grande réserve. Brillants, ils rencontrèrent leur public et connurent de vrais succès discographiques. Du reste, certains d'entre eux sont toujours en activité. Pourtant, ils ont disparu des playlists radiophoniques, des hommages télévisuels et des compiles de fin d'année. Voici donc le temps de se remémorer ce que fut cette pop, pleine de rêves et d'enthousiasme, qui définissait si bien cette jeunesse d'après 68, à la quête d'une musique, sachant raconter ses tourments, ses désirs et ses espoirs. Je veux dire que j'ai voté en premier pour Variation parce que c'est le groupe le plus populaire et le groupe qui actuellement, de la part des lecteurs d'Extra, apporte le plus de courriers, mais j'avais aussi également voté pour le groupe qui est arrivé numéro 1, qui est Triangle. C'est Jean Tronchot, je suis venu à la place de Philippe Quéclin et Paringo, parce qu'à Rock et Folk, ils sont de plus en plus pris. Et personnellement, j'ai voté pour Magma. Je m'appelle Eric Vincent, je représente la publication Super Hebdo. J'ai voté pour Triangle, parce que, aussi bizarrement que ça puisse paraître, c'est un groupe carré. Qu'est-ce qu'il y avait en 68 dans les groupes français, au moment du début de Triangle? Qui y avait avant nous? Il n'y avait rien avant nous. Et voilà. François Jeannot, saxophoniste et claviériste du groupe Triangle. Ben, en fait, il faut revenir de un peu plus loin. Dans les années 60, on était en plein dans le free jazz. Et puis, comme économiquement, c'était pas toujours très facile, j'ai commencé à faire des activités de studio, des enregistrements, etc. avec des vedettes, je sais pas quoi, on faisait des séances pour plein de gens, pour Brel, pour Aznavour, pour Brigitte Bardot, c'était super. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui était batteur, qui s'appelait Jean-Pierre Prévotat. Et lui m'a dit, je viens de monter un trio avec guitare, basse, batterie. Et on aurait besoin de quelqu'un qui jouerait des claviers, des instruments avant, enfin quelque chose en plus. Et voilà, et j'ai dit oui. Je suis né au Maroc. Et à l'âge de 16 ans, je suis venu en France pour rejoindre mon frère qui était à Paris. Marc Tobali, guitariste et créateur du groupe Les Variations. Donc deux jours plus tard, j'ai pris un avion pour Londres avec ma guitare. Et on allait jouer à Piccadilly Circus où il y avait tous les hippies. Et puis la musique était fantastique, quoi. Il y avait les Rolling Stones qui sortaient Aftermath. Il y avait toutes ces belles chansons, Summer in the City, Chris Montez, The More I See You. Enfin, c'était une époque formidable. Et donc, à la fin de ces vacances, on est rentré à Paris. Hein. J'allais jouer dans des groupes et puis je trouvais que le niveau n'était pas assez haut, quoi. Et j'ai dit à mon frère, écoute, il faudrait qu'on forme un groupe. Et donc, on a cherché un batteur. Bon, alors là, Zumbach, Casablanca, 1963. Hein. Là, il y avait un événement extraordinaire, les Shadows jouer à Casablanca. Et en première partie des Shadows, il y avait là-bas un groupe de Marocains hein, qui s'appelait les Jets et dont le batteur fait un solo de batterie extraordinaire. Extraordinaire. Je suis resté bouche bée. Et on retourne à Paris, on cherche un batteur et on avait mis une annonce dans un magasin de musique à Saint-Michel qui s'appelait Pas de Loup. Et on avait eu cherche batteur. Et un jour de neige à Paris, novembre 1966, toc toc toc à la porte, et qui était devant moi, le batteur du groupe Les Jets, qui n'est autre que Jackie Bitton, le batteur des Variations. Voilà. Alors donc ça, c'était déjà un super signe, quoi. Le batteur qui m'avait le plus explosé, il se pointe à la maison, quoi. Donc on a commencé à jouer en groupe. Donc il nous fallait un chanteur. On a commencé avec mon frère à faire des auditions, bon, des chanteurs qui arrivaient. Bon. Moi, je tarabuse mon frère, je lui dis, mais écoute, tous ces chanteurs, ça va pas. Moi, j'ai connu un mec au Maroc, il dit, super, mais vraiment un chanteur, c'est lui qu'il nous faut. C'est un genre de Mick Jagger, super showman et tout, c'est lui qu'il nous faut. Et mon frère va dans un café qui s'appelle La Musarde, sur le quai Saint-Michel. Là. Au fond de la salle, il voit un mec qui a une gueule, quoi. Il l'accoste, il lui dit, dis-moi, toi, vraiment, t'as une gueule de chanteur, hein. Il dit, mais moi, je suis chanteur. Et les deux se pointent à la maison. Et voilà, donc on se reconnaît, on se saute dans les bras. Hourra, formidable. Bon, il s'agit de Joe Lab, hein, bien, d'accord. Tout le monde l'aura compris. Deuxième signe du destin. Pour moi, c'était après 68, mai 68. Donc, François Janoux. Il y avait quand même dans l'air cette idée de mélange des genres, de mélanger un peu le rock avec un peu de musique classique, peut-être avec un peu de jazz, etc. Enfin, c'est ça qui m'a intéressé, moi, là-dedans. Et puis, il y avait aussi, même si ça ne se voit pas trop dans ce qu'on a fait avec Triangle, moi, j'aimais bien tout ce qui venait de Tamla Motown, tout ça, les Supremes, Saman Dave, Otis Redding. Ouais, j'aimais bien ça. Puis, comme j'ai quand même, quand j'étais enfant et gamin et adolescent, baigné dans la musique classique, il y a aussi ça. C'est-à-dire le goût d'arranger les choses, de trouver des accords autres que mi majeur, etc. Quoi. En fait, au début, c'est une sorte de bricolage. Quoi. C'était le tout début des synthés. Il y avait la notion de plaisir de faire quelque chose. Enfin, je ne sais pas si on avait envie d'être des stars, j'en sais rien, de gagner beaucoup d'argent. On n'en savait rien, en fait. C'était quand même un peu galérien au début. Hein. D'abord, il fallait s'acheter du matos, etc. On voyageait dans un vieux van Volkswagen. Donc c'était toute une aventure, oui, pour arriver jusqu'à l'endroit où on devait jouer, souvent. Nous, au Maroc, on écoutait la musique américaine en même temps qu'elle sortait en Amérique. Elle sortait au Maroc. Pourquoi ? Marc Tobali. Parce qu'il y avait des bases américaines au Maroc, à Port-Lioté notamment. Ces bases américaines-là avaient des radios. Et donc, nous, on écoutait ces radios-là. Et c'est-à-dire que quand il y avait un morceau de Tutti Frutti de Little Richard ou What I Say de Ray Charles qui sortait en Amérique, nous, on l'écoutait aussi au Maroc. Le Maroc, c'est quand même une grande histoire d'amour avec le rythme. Les rythmes marocains sont... comment vous expliquer ça ? Le 6-8. Le 6-8, le rythme 6-8. Ça, c'est le shuffle. Le shuffle américain. Le blues. Hein, comme Sweet Home Chicago. C'est la même chose. Et nous, bon, les variations, c'est le rythme. Hein. C'est comme toute aventure, on part et on ne sait pas ce qu'on fait et où on va. L'essentiel de ce qu'on faisait au début, c'était de passer en attraction dans des balles. Ce qui était souvent assez glauque, d'ailleurs. Parce qu'on débarquait, je ne sais pas où, au fin fond de la Bretagne, dans un chapiteau mis dans une espèce de prairie où il pleuvait. On s'en foutait, et on passait vers minuit, une heure du matin, à l'heure où ils étaient tous beurrés. Les gens, ils ne savaient même pas qui on était. Je pense qu'ils s'en fichaient royalement. Oui, il y avait une bonne ambiance. Hein. C'était sympa. Et après, c'est de taper, je ne sais pas, 400 km dans le vieux minibus et repartir après. Souvent, on faisait ça. C'est là où c'était un peu galérien. Quand même. On ne fait plus trop ça. Maintenant, il n'y avait pas l'autoroute, il n'y avait rien à cette époque-là. Après, on a plus joué dans des salles, dans des théâtres, dans des choses comme ça. Mais non, ça marchait bien, on avait du succès, parce que sur scène, ça dégageait quelque chose quand même, c'était bien. Puis on avait des effets, des choses qui ne se faisaient pas beaucoup à l'époque, il y avait des fumées, il y avait de la lumière noire, c'était un vrai spectacle. Et puis moi, je me suis mis à écrire des morceaux, des chansons, paroles et musique. En fait, ça a commencé avec notre premier 33 tours qui s'appelait Peut-être demain. Ça a été un tube. Bon, les paroles n'étaient pas terribles, vraiment. C'est vrai qu'il y avait le Dovdro qui était un endroit formidable, mais il n'y avait pas ça dans les autres villes, non, il n'y avait pas ça. Non, ce qu'il y avait, c'est les concerts dans les balles. Et les maisons de la culture n'existaient pas encore, les scènes nationales non plus, toutes les scènes musique actuelles, ça n'existait pas. Mais on jouait beaucoup dans les théâtres municipaux. Tous les vendredis, j'accueille au golf, sur le tremplin, 4 ou 5 orchestres amateurs et semi-professionnels. Et c'est très important pour eux, parce que je suis un petit peu leur espérance et leur confident. Bien souvent, je leur présente des producteurs qui les enregistrent. Henri Leproux, directeur du Golf de Rouault, salle de concert de toute la scène yéyé, puis Pop Rock. Magazine des jeunes, 1973. Ces jeunes, lorsqu'ils passent au Golf de Rouault, je leur délivre un diplôme, souvenir. Et bien souvent, il est repris par la presse locale et ça leur permet d'augmenter leurs tarifs. La plupart des vedettes de la pop actuelle ont débuté sur ce tremplin, comme Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Sheila. Ben dans les années de 66, on peut dire 65, par là, 66, on avait un groupe de balles qui s'appelait Les Anges. On écumait tous les balles de la Haute-Saône et en Franche-Comté. Christian Descamps, chanteur et créateur du groupe Ange. Et on était à ses côtés, on reprenait des Bee Gees, les premiers tubes des Bee Gees, des Moody Blues, des Beatles, et tout ça sur scène. Et bien sûr, on a continué de se produire au Golf Drouot chez Henri Leproux, où étaient passés des gens comme Bowie, comme les Who, en fait, Hallyday, Eddie Mitchell, tous les yéyés étaient passés aussi. C'était vraiment aussi le temple yéyé au milieu des années 60. Et ça devenait le temple de la rock music. Et donc, au bout de sept passages, on a gagné le tremplin qui était donc sponsorisé par des gens comme Rock et Folk et par Philips, par la maison 10 Philips. Donc, Claude Bibon, le directeur artistique de Philips, nous avait repérés et s'apercevait qu'à chaque nouveau passage de Ange, il y avait de plus en plus de monde et des gens attendaient même depuis le matin sur le trottoir. Ça donnait quand même un peu le signal quoi, dans leur tête. Ils se sont dit c'est un groupe qui bouge les gens et finalement qui a une grande influence sur le public. Bon, alors après, on a été, bien sûr, le parcours classique, c'était d'aller jouer au Golf Drouot, le tremplin du vendredi. Il fallait commencer là-bas, c'était obligé, quoi, le passage obligé. Et puis là, au tremplin, c'est tout de suite, bon, on nous l'a dit après, quoi, on nous l'a dit après. Dès les premières notes, les gens ont dit ça. C'est eux les gagnants, quoi. C'est-à-dire qu'on a, je me souviens, on avait commencé par... je crois Hey Joe de Jimi Hendrix. Et tout de suite, c'était emballé, quoi. Les Variations viennent de rentrer de Londres où ils ont enregistré leur dernier 45 tours qui vient de sortir. Pop 2 de Patrice Blanc-Francard. Et c'est un secret pour personne. Les Variations sont le premier groupe français du point de vue des chiffres de vente. Beaucoup vous le diront, c'est aussi le groupe français le plus controversé. Alors, on a choisi la meilleure solution, on leur a donné la parole. Marc Tavaly, guitariste solo. Jacques Grande, bassiste. Jacques Biton, batterie. Jo Philippe, chanteur. Alors, on était habillés, on allait aussi à Londres. On allait à Londres pour acheter nos vêtements et nos plateformes boots. On avait les plus belles plateformes boots à Paris avant tout le monde. On a toujours eu les plus beaux vêtements parce que les Variations, c'est aussi le look. Hein. Attends, c'est pas. Il faut se l'avouer. Je regarde ça du haut de. Je vais pas dire mon âge. je trouve ça adorable. Vraiment, je trouve ça adorable. Merci. Et alors là, vous avez une belle collection de harpes. Quelle est la première ? C'est celle-ci, la Telangenta, la première harpe. Alan Stivell. C'est la toute première, faite par votre père. Ouais. Et donc cette volonté de faire renaître l'harpe, mais dans un contexte un peu celto-classique, au fond, c'était ça. Et d'ailleurs, les récitals que je donnais dans les années 50, c'était le pupitre, c'était... visuellement et même le type de concert, ça ressemblait à un concert classique. Et le rock'n'roll arrive, et donc là, c'est pour moi, c'est quelque chose de fantastique. C'est une forme de libération. Chuck Berry, Elvis Presley, après, ça a été un peu plus tard les Shadows, et qui m'ont encore plus marqué, parce que là, tout d'un coup, eux-mêmes, il y avait une volonté d'avoir les Pink Floyd, d'avoir déjà une connotation un peu science-fiction, enfin bon, venant du futur. Et donc, dès ce moment-là, c'était l'idée, mais voilà ce qu'il faudrait faire ici, il faudrait fusionner la musique celtique et le rock, tout bêtement, quoi. Journal télévisé du 15 mars 1973. Il existe à Paris depuis quelque temps une sorte de club ouvert à tous et qui peut constituer une sorte de banc d'essai idéal pour des jeunes attirés vers des métiers du spectacle et auxquels les attachés de presse à la mode n'accordent pas toujours beaucoup d'attention. Cela s'appelle le... Je m'excuse, je cherche le mot, le Hootenanny Club. C'est une idée héritée des campus américains. Ici, tu marches sur un papier. mes tout débuts, bah, comment je faisais? Si je voulais faire du rock celtique, je faisais comment? J'avais aucun copain qui jouait. C'était en canadien, ça, par exemple. La guitare électrique, etc. Donc, automatiquement, c'est d'arriver au. Et ça a été justement le centre américain Boulevard Raspail, Lionel Rochman organisant ses Outnani le mardi soir. Et puis, puisque j'étais en fac à Sancier, je vois l'affiche et dis, mais c'est génial, mais ça a été ma chance, quoi. J'étais en plus hyper timide, mais je ne me voyais pas aller à la contre-escarpe, aller taper aux portes, dire, mais vous voulez pas de moi avec ma harpe bardique, etc. Quoi. Je voyais, j'imaginais même pas, quoi. Et là, j'ai cette affiche, Outnani, je vois les premières soirées au centre américain, donc... Deux mois après, j'arrive avec Marp, avec un premier titre. Et c'était, en plus, c'était génial, puisque j'avais même pas besoin de travailler un répertoire. J'avais juste à travailler une chanson ou deux. Et puis voilà. Outnani, en fait, c'est un spectacle improvisé. C'est un spectacle où tous ceux qui veulent venir s'exprimer peuvent le faire. Et j'insiste bien là-dessus. Tous, absolument, sans sélection, sans audition préalable. Excellent. Ah ben voilà, t'as retrouvé la photo, génial. Oui. Ouais, c'est celle-là. Oui. Voilà, voilà, il y en a plusieurs. Alors ça, c'était Ginny. Ginny est ici, Sandy ici. Oui, oui. Lionel Rochman, créateur du Outnani, en compagnie de son fils Marc. Moi, je me souviens du tout début, puisque tu avais rencontré Sandy et Ginny, voilà. Qui faisaient la manche au queue des cinémas rue Champollion et près des bouquinistes. Hein, y a cette magnifique photo où ils sont eux deux plus deux autres Américains. Bon, ils étaient beaux comme dans un film, avec des habits qu'on n'avait jamais vus. Enfin, c'était 1963, je crois. Donc, les deux Américains en question tenaient toutes les semaines, tous les mois, au début, un mardi par mois, ce Outnani, d'une manière très artisanale, dans la grande salle de spectacle du centre américain. Le principe, c'était un peu comme des réunions familiales, c'est ce qui se faisait aux États-Unis. C'est les voisins et un peu la famille. On se réunit dans une pièce et puis on chante. C'était Carter Family, ces origines-là, hein. Et donc, c'était comme ça que ça se déroulait. Les chanteurs étaient assis dans la salle comme les spectateurs. Et puis, on pouvait chanter librement. C'était extraordinaire. Il n'y avait aucune autre salle. Comment ? Il n'y avait aucune autre salle dans Paris où on pouvait faire ça. Absolument, absolument. Ouais. C'était vraiment miraculeux. Vous vous souvenez de Stivell, la première fois où il est venu avec... Lionel s'en souviendra. On a une photo... Tu m'avais décrit ce jeune Breton très timide qui avait un gilet brodé et qui s'accompagnait à la harpe. Et moi, j'ai dû le voir la deuxième ou troisième fois qu'il est passé. Oui. Vous aimez la musique américaine, mais... Écoutez ça, c'est breton, et ça sonne assez proche d'une balade américaine. Alors évidemment, je prenais en plus le petit harmonica de Dylan et autres au coude, pour en plus de ça faire la liaison vraiment entre les deux. Parce que là, ça y est, on était au milieu des années 60, avec John Baez, Dylan, etc. Il y avait eu Pete Seeger et tous ces gens-là, et donc j'entrais dans ce monde-là du folk anglo-saxon. J'avais jamais eu l'occasion de chanter devant un public qui était aussi fabuleux, aussi, qui faisait un silence religieux. Parce que qu'est-ce qui se passait? C'est que j'avais cette petite harpe à cordes métalliques que m'avait fait mon père, mais avec un niveau sonore acoustique qui est à peu près la moitié d'une guitare acoustique. Donc de toute façon, ça m'obligeait à chanter hyper doucement, à la limite du filet de voix. Mais à ce moment-là, ça oblige évidemment le public à faire un silence religieux. Et c'est ce qui s'est passé. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non on est encore dans la période où on se trouve dans les brassons, quand c'est une course de cyclisme. Alors on arrive, le maillot jaune, non, il n'y a pas de premier groupe. Il y a des groupes, il y en a 100, il y en a 10 000, il y en a 10, il y a des groupes et c'est terminé. Premier groupe français, premier groupe français, voilà. Et j'adore Magma à la fois, il n'y a pas de raison de ne pas le dire. Sur chaque article maintenant, parlant d'un groupe français, ben d'abord, il n'y en a pas un seul qui n'est pas premier, de toutes les manières. Les variations alors, dans Pop 2 de Patrice Blanc-Francard. Il faut quand même penser au public, aux jeunes qui regardent ça. Ils ne sont pas tellement dupes, c'est pas vraiment des tarés. Vous n'avez pas l'air de vous considérer comme des vedettes. Ben non. C'est pas à nous de nous considérer comme des vedettes, c'est au public. Il y a un truc qui est vraiment, je crois, qui est assez différent de tous les autres artistes, tu vois. C'est que la vie des tournées, tu vois, ça les embête un peu, presque tous les artistes. Alors que nous, ce qu'on aime vraiment dans le métier qu'on fait, c'est la vie de tournée, justement. Et c'est la ça scène, fait 4 ans qu'il n'y a pratiquement pas un samedi soir où on n'a pas joué depuis 4 ans. On ne sait pas comment c'est autrement un samedi soir. On arrive à la deuxième histoire miraculeuse. Alors donc c'est novembre 68 même. Marc Tobali. Et là, on est chez moi à la maison, donc on partageait un appartement avec mon frère, ma sœur. Donc on était là, tous les variations, assis, parce qu'on avait joué partout, on faisait le tabac partout, dans toute la France, dans les chapiteaux, dans les clubs, mais on avait beaucoup de peine à trouver un contrat de disque. Il nous fallait un contrat de disque maintenant pour devenir un peu nationaux, quoi. On était vraiment un peu déprimés, on n'était pas bien. On pensait même se séparer parce qu'on disait bah, il n'arrive rien, on plafonne. Et bon, on est là, sur ces entrefaites, arrive un ami à nous. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, on prend rendez-vous, machin. Il n'y avait pas ça. Il y avait les mecs, ils arrivaient à la maison et puis voilà. Donc il arrive comme ça, il fait, qu'est-ce que vous faites les mecs? Il voyait qu'on était déprimés, quoi. Il dit, ben rien, on est là, on est assis, quoi. Alors il dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Venez, ils sont en train de tourner à Joinville, ils sont en train de tourner la Saint-Sylvestre 68-69. Et il y a tous les groupes du moment, il y avait tous les groupes, il y avait les Who, il y avait les Small Faces, il y avait les Fleetwood Mac, il y avait tout le monde. Et ils étaient en train de tourner. Et venez, on va aller sur le plateau là-bas, on va s'éclater, il y a des top modèles, c'est super. Il dit, allez, en avant, on prend le camion avec les tenues de scène, le matos. On arrive là-bas et dès qu'on rentre, on tombe sur les Who en train de jouer Magic Boss. Le flash, on disait le flash. Et puis moi, j'aperçois sur scène une belle Gretsch verte. Une guitare, hein, une guitare Gretsch, verte. Et puis j'ai tout d'un coup envie de la jouer, quoi. Donc je monte sur scène et je commence à jouer. Et puis le producteur de l'émission, il dit, et les autres membres du groupe, ils sont là? Vous pouvez être prêts pour 21h? C'est sûr que oui. Et on monte sur scène. Et alors là, c'était la fête, parce que c'était la fin du tournage. Tout le monde était éméché. Et tout le monde était très chaud. Et nous, on était encore plus chaud. Pour la première fois à la télévision, un groupe dont vous vous souviendrez, les Variations. Émission télé, surprise partie, du 31 décembre 1968. Et le producteur, un autre morceau. Bam, un autre morceau, encore plus de délire, encore plus de folie. Un autre morceau. End Up, on a joué 7 chansons. Et donc la Saint-Sylvestre, il y avait genre 30 ou 40 millions de Français qui regardaient la télé, quoi. Et là, le lendemain matin, tout le monde a commencé à nous appeler. Et puis on a signé avec Pathé Pathé. Nous vivions dans un pays où, quand on avait la chance d'aller faire un tour en Angleterre, ou alors traverser l'Atlantique pour aller aux États-Unis, on était dans un autre monde. La première fois où je suis allé aux États-Unis en 72, quand je suis rentré en France, je me suis dit, mais mon Dieu... Patrice Blanc-Francard, chroniqueur à Rock et Folk. Dans un petit bourg du sud-ouest de la France en 1871. Aujourd'hui, on a oublié ça, parce qu'on est dans un village global. On a cette connexion instantanée, mais pas du tout. Au début des années 70, on était des fous furieux qui véhiculaient notre sorte de message. Il y a un concert au Bataclan, c'est dans deux jours. Et il n'y a pas une affiche, rien. Un disque qui sortait en import à l'époque, mais j'aurais fait des... je sais pas quoi pour aller le chercher, parce qu'il sortirait peut-être même jamais en France, ou peut-être que 8 mois après, ou 1 an et demi après, on l'aurait. Mais c'était se précipiter dessus, c'était un trésor. À la télé, on voyait des trucs infernaux. J'ai toujours haï de variété, et surtout la variété du genre de celle que les émissions de Mariti et Gilbert Carpentier nous bassinaient tout le temps. C'était juste... Et c'était pour ça qu'on était révoltés, d'une certaine manière. On en avait marre de voir ça. On avait marre de voir ces émissions. On avait marre de voir ces trucs qui ne représentaient pas, pour nous, la réalité. C'est vrai que mai 68 avait fait naître un courant dont certains disent qu'il était utopiste. Au futur antérieur, on peut penser qu'il l'était, mais il nous a donné quand même un boost extraordinaire. D'un seul coup, il y avait quelque chose dans l'univers qui s'ouvrait, et on n'était pas forcément à avoir rentré dans un univers poussiéreux, dans un vieux costume affreux gris. On n'avait pas envie de s'habiller avec ça, quoi. Ils arrivent de Belfort, ils ont été classés 8e au Grand Prix de la pop musique française. Voici Ange. Ange, dans ces années, durant ces années 70, a été le groupe français le plus vu. Bon, avec, on va redire le palmarès, 6 disques d'or. Christian Descamps. On a tourné, mais énormément. Je crois que ça faisait 250 concerts par an, quoi, je veux dire. C'était énorme. On est parti en Angleterre avec l'album Le Cimetière Zarlequin. On a joué à peu près 110 concerts en Angleterre. On a fait le festival de Reading devant 30 000 personnes. C'est un souvenir inoubliable. Et il nous arrivait de jouer 3 concerts en une journée. On s'est fait connaître par ce biais-là, justement. Ange n'est pas un groupe qui a été fabriqué par le showbiz, mais c'est le showbiz qui est venu à lui à un moment où on commençait à faire 2000, 3000 personnes. Et c'était tant mieux pour nous parce que on a bénéficié de grands médias à ce moment-là, comme RTL et gens comme ça. Et finalement, ça nous a beaucoup aidés. Des gens comme Jean-Bernard Hébet. Dans les lycées, sur les tables, il était gravé Ange, Cimetière Zarlequin, sur les sacs, parce qu'ils avaient des sacs d'école en toile, il y avait le sigle de la paix, mais aussi Ange, des bouts de paroles, des chansons du groupe. Donc, c'était devenu un phénomène social, vraiment, et on a apporté du rêve. Pour drainer entre 5000 et 10000 personnes en 77 par exemple, c'était évident qu'il s'était passé quelque chose dans le cœur et dans l'esprit de tous ces gens-là. Jadis, avec Pierre et Gladys, on les voyait passer en robe blanche. Ruisseau qui traînait nos rêves vers un écrin de joie. Nous suivions la trace des fées, c'était tout. Alors moi j'ai aussi une chance pas possible, c'est que je commence à ouvrir la bouche pour chanter en janvier 66. Alan Stivell. Et en janvier 67, j'ai déjà mon contrat en poche chez Universal, quoi. Philips à l'époque. C'est vrai que là c'est presque injuste. Comment ça se passait les tournées en France, juste après 72-73, avec le succès? Comment ça se passait? On s'était acheté un van, c'était pour le matériel. Oui, parce que en fait, très vite, j'ai acheté une sono. De toute façon, on n'avait pas le choix. Parce qu'on ne voulait pas avoir un son pourri à l'époque, il fallait acheter sa sono. Et c'est vrai que j'avais envie de rappeler ce festival, qui est un super souvenir de l'Odéac où j'ai joué de la harpe solo, chant et harpe à 1h du matin, tout le monde dans les sacs de couchage. Aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer comment les gens extrapolaient l'écoute. On était capable d'imaginer le son. Et en fait, l'oreille arrivait à recréer le son à partir de presque rien, quoi. Un petit signal suffisait à imaginer ce qu'il y avait autour. Messieurs, vous êtes un groupe nouveau-né et appelé, sans jeu de mots, à faire du bruit. Comme il vous plaira, Denise Glaser, juin 1970. Jeune, enthousiaste, prêt à arracher les yeux aux béotiens qui pourraient dire des bêtises ou interpréter d'une manière erronée vos intentions, j'aime mieux tout simplement vous laisser la parole et vous demander d'abord, qu'est-ce que c'est que Magma ? Bien, Magma, c'est l'association de musiciens de jazz et de pop music qui, enfin, ils ont fait de grandes études classiques et ils ont étudié un peu toutes les musiques, évidemment. Et un jour, ils se sont aperçus que toutes les musiques actuellement étaient dans une impasse, que ce soit le jazz ou la pop, c'était fini. Enfin, déjà, à mon avis, c'est que la musique classique. Oui, ça m'intéresse. Alors, ça m'intéresse beaucoup. Nous avons pensé faire étudier une autre forme de musique, enfin, qui est la nôtre. Oui, vous, parce que. Ça voilà. Rapprochera un peu de la musique contemporaine, enfin, qui est de la musique contemporaine. Oui. Alors voilà, ça m'intéresse beaucoup parce que moi qui suis béotienne et qui n'y connais rien du tout. C'est vrai, ça m'arrive de me poser des questions et de me dire bon, ben alors la musique pop, certaines formes de rock, même très avancées, je trouve ça formidable, mais où on va ? Moi je crois surtout qu'on savait ce qu'il ne fallait pas faire. Christian Vander, batteur et créateur du groupe Magma. Moi j'avais beaucoup d'exemples en musique, j'écoutais énormément de choses, notamment du jazz. C'est ma mère qui m'a beaucoup éduqué musicalement, qui m'a fait découvrir John Coltrane en 57, donc j'étais assez jeune. Mais il dit écoute le son, écoute ce son. J'espérais jouer un jour jouer avec lui, non, mais simplement chercher du travail, à jouer. Et j'ai rencontré des gens avec qui, on était partis sur une tournée de casino. Ils avaient monté un petit répertoire bien gentil et à un moment donné, j'ai composé un morceau avec une guitare. Un gars était à côté de moi, n'en jouait pas. Je lui ai dit, tu peux me la prêter. J'ai gratté trois accords et c'est devenu la mélodie Kobaya. Directement, les sons sont venus par la musique. J'ai chanté Kobaya, Bewa. C'était les premiers textes et c'était le début de ce morceau et le début de l'aventure. Comment vous appelez ? Kobaya. Kobaya. Vous avez rencontré Giorgio Gomelski ? On a rencontré Giorgio et Giorgio dit « Moi les gars, avec son accent ukrainien, je ne sais qu'est-ce qu'il nous dit, moi les gars, je vais faire tourner un maximum, c'est vrai, ce qu'il a fait, 20-25 concerts par mois, mais pour ainsi dire pas payé. Ouais, 30 francs, des trucs misérables. Ça a duré jusqu'au moment où on a quitté Giorgio. Hein. Et il a compris à qui il avait affaire, Giorgio. Il dit « C'est des fous, ils nous ont envoyé sur la route ». On pouvait faire du Nice-Calais, ça n'avait pas d'importance dans la nuit. À l'époque, pas d'autoroute, pas non plus de station. Bon, il nous trouvait des concerts. C'est lui qui a quand même créé ce circuit des MJC qu'on peut ensuite utiliser tous les autres musiciens. On parle même de là, mais on a été les premiers à tourner. On nous disait simplement, vous allez jouer à Nice, par exemple. Vous aurez peut-être à manger ou peut-être vous pourrez dormir si y a assez d'entrées. Il y avait 15 personnes au concert. Des fois, on dormait dans le camion, sous le camion. Bon, il a fallu le faire. Mais on avait l'énergie pour. Moi, ce qui comptait, c'est d'avoir ma batterie sur scène. C'était ma vie, c'est tout. Giorgio savait bien tout ça. Oui, il faisait sens que si un jour, on traversait la neige comme ça, on a rencontré un bouton d'or qui avait percé la neige. Ange, en concert à Lille, en 1977. C'est très rare, un bouton d'or qui perce la neige, juste avant le printemps, juste dans ce que l'on appelle hiver, la saison qui vous glace le sang et qui vous réchauffe le reste. N'est-ce pas ? À force de frapper l'enclume, nos aïeux, comme s'ils n'avaient jamais été mieux. Il s'est passé vraiment quelque chose à la fin de ces années 60, qui était un phénomène social. Christian Descamps. Et les gens voulaient autre chose, voulaient partir vers d'autres rêves, vers d'autres horizons. Et on était tous les uns et les autres, que ce soit le public ou les artistes, on partait dans le même sens, dans l'inconscient, complètement. C'est l'envie de raconter aux gens, de les promener sur les sentiers, de les faire parcourir les ornières des désirs, des envies, des périples incroyables, et puis de raconter tout ce qui se passe. Ange, ça raconte toute la vie, et au-delà de la vie et avant la vie, sans prétention aucune d'ailleurs. Dire que la vie est une utopie, une chimère, et donc ça va à l'encontre... de l'establishment et du commerce, quoi. On a toujours été traité de subversif, de toute façon. Je suis fortement influencé par mai 68 et j'ai une forme d'attirance un petit pour ce monde de hippies, etc. Sans Alan Stivell. En mettant un pied dedans, mais pas les deux, quoi, d'une certaine manière quand même. Toute la philosophie de l'époque aurait porté vers la notion de on partage tout, etc. Tout ça, mais ça, on partage la musique, mais ça veut dire aussi que je, dans ce cas-là, moi, tout ce que j'ai eu envie d'exprimer depuis l'enfance, ça se serait noyé un petit peu dans quelque chose d'impalpable qui ne serait pas forcément défendre la musique bretonne, défendre la musique celtique. Bon, c'est vrai que je me retrouvais dans la situation de quasiment d'un chef, d'un patron, à une époque où moi-même, j'avais tendance à vouloir rejeter tout ce qui pouvait ressembler à l'idée même de chef ou de patron. Mais j'étais amené à être chef et patron. Et ça, c'était quand même, cette dualité-là était assez difficile à vivre. Mais si je n'avais pas fait ce choix-là, je pense, sans exagérer, que je ne serais pas en train de vous parler, en fait. C'est sûr que Lionel Rochemagne. J'ai eu la chance de vivre une carrière hors du commun. Et surtout, vous avez permis à tout un tas de talents Exactement. D'exister. Exactement. Tu n'étais pas un vulgaire animateur. Tu n'étais pas non plus un commerçant. Tu étais avant tout quelqu'un qui aspirait à une certaine forme d'art et de liberté. Et ça s'est ressenti dans l'évolution du Outnani. Tu as quand même permis à des gens qui avaient de réelles qualités de percer, de monter en leur offrant une tribune. Et il s'est créé des petits Outnani dans plusieurs endroits de France qui ont vécu leur vie plus éphémère souvent. Il y a eu aussi d'autres petits lieux, justement Gabriel Yacoub et tous ces gens ont créé d'autres lieux de musique folk dans Paris. Donc c'est quand même toi qui es à la source de toutes ces choses-là. C'est vrai, hein. C'est vrai, mais sans le faire exprès. Voilà. Le côté révolutionnaire de mai 68 avait donné aux plus gauchistes d'entre eux, Patrice Blanc-Francard, l'idée que tout ce qui était de l'ordre de l'establishment devait être était à bannir absolument. C'est-à-dire que, grosso modo, on ne peut pas avoir de succès. Dès qu'on commence à vendre, et dès qu'il y a du pognon dedans, c'est mort. Non. Nous ne voulons pas du succès. Sabordons-nous. Pam ! Fin du match. Donc la pop française est restée livrée à elle-même à des cercles de fans qui ne bénéficiaient pas de ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on aurait, avec les réseaux sociaux, le phénomène aurait été amplifié d'une manière absolument énorme. Mais il n'y avait pas de communication entre les gens et aucun médium, à part des journaux comme Rock et Folk, qui est d'une certaine partie best aussi, étaient les bibles. Mais ça sortait tous les mois. Alors, rendez-vous compte de l'incroyable impact d'accélération qu'on connaît maintenant par rapport à ça. Les nouvelles arrivaient extrêmement tard. Aux États-Unis, en 1969, il a fallu attendre très très longtemps pour savoir qui a été Woodstock. Oui, c'est un peu injuste si vous voulez, mais il faut y remettre dans la... Paul Alessandrini, journaliste à Rock et Folk. Dans la peau de nous à 25 ans, on avait envie d'aller à Los Angeles. On n'avait pas envie d'aller à Bordeaux, à Marseille ou à Lille. On avait envie d'aller à New York. On allait à Londres régulièrement. C'était ça qui nous faisait rêver. Et bon, il n'y a pas de mythologie. D'ailleurs, il n'y en a toujours pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas, même avec le temps, on ne se dit pas, tiens, telle personnalité extraordinaire qui a défini. Pour arriver à construire ce qu'on dit une grosse personnalité, il ne faut pas simplement un bonhomme hors norme, il faut qu'on le mette en scène, ce personnage. Donc il aurait fallu qu'il y ait des photographes. Il y avait Jean-Marie Perrier pour ce qui était du Yéyé. C'est pas les Gassiens et compagnie qui commençaient, qui étaient jeunes, qui auraient pu construire cela. Il n'y avait pas des metteurs en scène qui s'intéressaient, il n'y avait pas encore les clips. Donc tout ça a fait que c'est parti en ordre dispersé. Je suis arrivé simplement avec ma vision, ma nouvelle vision d'une sorte de musique à faire, certainement. Christian Vander. En ayant l'impression que ça n'avait jamais été fait auparavant. Je voyais bien ce qui se passait, plus ou moins. Moi, j'étais vraiment dans l'état d'esprit, je dirais, musique à écouter, plus que musique à effet. Donc, on était plutôt habillés en sombre dès que ça a été possible. Très peu d'éclairage. Si bien qu'on a eu une fois, quand on a fait avec l'Olympia, on travaillait toujours avec une seule, deux lumières. Un vert, première partie, rouge, deuxième, un spot. Et le gars de l'Olympia me dit, mais bon, il y a 1000 spots ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je dis, vous savez, nous on prend deux spots, quoi qu'il arrive. Donc à ce moment-là, les autres, vous les dirigez vers les gens, ils ont l'air d'aimer ça. Donc à la fin du spectacle, le gars a braqué les 2000 spots sur les spectateurs, enfin, la salle était pleine, les applaudissements se sont éteints. Et moi, j'étais évidemment mort de rire. C'est l'esprit magma quand même. Hein. On va dire que les groupes les plus intéressants étaient aussi les groupes les plus novateurs. Un groupe comme Magma... qui chantait dans une langue absolument incompréhensible pour la plupart des gens, pouvait pas faire en sorte qu'un producteur se dise je vais les mettre sur le marché international. Vous aviez aussi d'autres groupes, dans les groupes les plus avancés en termes militants, les groupes comme Comintern ou comme Red Noise aussi étaient très influencés par King Crimson, par exemple. Mais ce n'était pas King Crimson, quand même. Donc, on peut dire que à quelques exceptions près, les groupes français, que ce soit les variations ou que ce soit des groupes plus proches de la musique basique rock'n'roll, il leur manquait quand même une marche pour être au niveau de l'international. Et puis, ils voyaient leur petit univers, quoi. C'était bien, je faisais de la musique, j'étais avec mes potes, il y a mes fans qui sont devant, et ben, même si je suis le Stones du pauvre, je suis quand même cette personne à ce moment-là, quoi. Je crois à l'immense diversité. Paul Alessandrini. Souvent antinomique. D'ailleurs, les groupes étaient souvent très opposés les uns aux autres. Quelle différence énorme il pouvait avoir entre justement un groupe comme Triangle ou comme Les Variations et puis des gens qui faisaient comme Vander un peu de recherche, etc. Donc il n'y avait pas un courant, si vous voulez. Il y avait des expériences, il y avait des tentatives plus ou moins réussies pour s'imposer et imposer une musique. Et sur scène, on faisait le tabac, la vérité. Marc Tobali. L'été de 75, on était prévu de faire les deux premiers concerts des Rolling Stones de cette tournée de 75. Là. C'était la tournée avec le bateau, là, les affiches, c'était le bateau des années 30. Et puis là, le groupe s'est séparé. Donc, si vous voulez bien, je ne vais pas parler de ça parce que c'est quand même assez douloureux pour moi. Quelle image vous conservez de cette époque et du début de la pop des années 70? L'innocence. Et c'est une belle image. quand je vois, je me souviens de Djouleb avec les variations et sur son visage, il vivait mais à 120% son truc. Et même s'il y avait 300 personnes à son concert et qu'il n'y avait pas 30 000 personnes à voir, il s'en foutait. Ces 300 personnes étaient super contentes et c'était son truc. Et puis c'était sa manière à lui, c'était sa manière à eux. Et pour, c'est vrai pour tous les groupes de se dire oui, c'est aussi notre évolution. C'est notre manière de la faire. C'est notre manière d'exprimer ce monde qui est en train de bouger, de s'ouvrir. Et c'est comme ça qu'on en fait partie. C'était « Il était une fois la pop française ». Merci à Marc Tobali, François Janneau, Christian Descamps, Christian Vander, Lionel Rochman, Patrice Blanc-Francard, Paul Alessandrini, Alan Stivell. Merci également à Marc Rochman, Stella Vander, Mimi Lorenzini et Jean-Michel Boris. Archive INA, Aurélie Marsay. Mixage, Pierre Mine. La pop française, un documentaire de Patrick Boudet, réalisé par Véronique Samouilov. Voilà pour ce documentaire que vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter sur notre site www.franceculture.fr. L'aventure donc de la pop française qui se terminait par un titre des variations, les variations dont on a compris qui nous avaient conduit de l'Afrique du Nord de l'après-guerre jusqu'à la France des années 70. Demain, nous poursuivons notre histoire de la pop musique en nous intéressant à la world music, comment la pop est devenue world, avec en particulier des archives, mais également les analyses de Denis Laborde et de Philippe Guimplovis.